Et on passe au grand moment du public à la maison. Et on demande peut-être, oui, à nos invités de rester encore 5 minutes, parce qu'on a un délai du streaming de quelques minutes. Du coup, on demande aux auditeurs de nous appeler pour pouvoir gagner l'entrée du concert. Du coup, je crois que le concert de 21h ce soir de Tove est annulé. Du coup, les tickets vont être pour les autres deux concerts, celui-là de Anita de 22h30 ou celui-là de 19h de Anna Petrini et les invités. Donc, au numéro 078 244 57 54, vous pouvez appeler pour découvrir le son mystérieux proposé par Antoine Leng. Donc, on vous demande peut-être de l'écouter avec nous. E un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va. E la pioggia che scende dietro le tende la felicità. E abbassare la luce per fare la pace, la felicità, felicità. Vabbè, senti nell'aria c'è già la nostra canzone, l'amore che va come un pensiero che sa di felicità. Donc c'est pas vraiment un son mystérieux comme les autres jours, c'est plutôt le mystère. Bon, c'est facile à deviner le compositeur, peut-être le plus compliqué c'est l'interprète ou je et crois le que, contexte. Et le contexte. Donc c'est ça qu'on demande aux auditeurs qui veulent jouer. Mais donc l'interprète a un lien avec le festival, donc. C'est une question. Non, oui, mais, ou ça peut être n'importe quelle personne de la rue, je sais pas. Oui, bah là, tu as quand même donné un indice, effectivement. Ah, je sais toi. Pas, moi, oui, je oui. Sais non, mais c'est bien. Est-ce que effectivement une c'est, personne du festival. C'est une personne du festival, oui. C'est déjà, on est sur la bonne voie. C'est une personne du festival. Donc c'est italien, en fait. Ah. C'est une, ouh, là, on a à la fin de la phrase et de la chanson, là, oui. Ah, oula. Il y a un appel. Attention, il y a un appel depuis la maison. Allô. Allô, la radio. Oui, bonjour. Bonjour, on voudrait entendre le son mystère. Alors, on va le passer, on va le repasser. Merci. Et un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro le tende la felicità. E abbassare la luce per fare la pace, la felicità, felicità. Vabbè, senti nell'aria c'è già la nostra canzone, l'amore che va come un pensiero che sa di felicità. Alors, est-ce que vous avez entendu quelque chose? C'est le vocodeur de Andrea Bocelli. Alors là, on a presque envie de dire bravo. Oui, Andrea Bocelli était là hier soir au festival. Personne l'a reconnu. Non, c'est très très bien joué. C'est pas très loin. On est en Italie, effectivement. Enfin, on n'est pas en Italie, mais. Ouais. On n'est pas en Italie, mais c'était un Italien qui était là hier soir au festival et qu'Antoine Leng a enregistré, chanté une chanson de Ricky Poveri. On écoute son explication. Ah, de Alban, oui, pardon. Oui. Le son mystère est celui de l'interprétation de la chanson Felicita du groupe italien Ricky Poveri, avec la particularité d'avoir été magistralement chantée par Sonia Perego et Valerio Tricoli en duo devant le bar du festival Archipel. Voilà, donc c'était pas tout à fait Andrea Bocelli, mais Valerio Tricoli, ça se ressemble pas mal. Bravo. Bon, donc vous avez gagné une entrée pour ce soir pour venir voir. On va peut-être faire une rectification. Attends. Oui, moi aussi je suis en train de chercher là, j'ai trouvé. Merci. Au revoir. On fait un petit. Ils sont heureux. Oui, ils sont super heureux. Merci beaucoup d'avoir appelé depuis oui, c'est si ça. Loin, ouais. Depuis la France. On fait une petite rectification parce que du coup, là, il y avait Bocelli dans l'histoire et il y avait aussi les Ricchi e Poveri. En soi, cette chanson de Felicità, comme Clara il nous a élucidé, c'est une chanson de 1982 de Albano et Romina Power. Ouais. Ok, merci. Donc, Donc j'ai gagné en fait une entrée, n'est-ce pas? Il faudrait peut-être avertir à votre propre concert. Il faudrait avertir Valerio Tricoli que cette chanson et Antoine. Et Antoine. Oui, mais je pense que c'est oui. On va les écouter. Ils nous écoutent, ils sont au courant de ce qui se passe.